Le roi Assuérus frappa d'un impôt le pays et les îles de la mer. Tout le récit de sa puissance et de sa vaillance, ainsi que le détail de l'élévation de Mardochée par le roi, tout cela est écrit au livre des chroniques des rois, des Mèdes et des Perses. Car le juif Mardochée était le premier ministre du roi Assuérus, le grand homme des Juifs, aimé par la multitude de ses frères. Il recherchait le bien de son peuple et parlait pour l'avantage de toute sa race.